faire un break, break, un break, break, manœuvre. Faut pas qu'elle s'enfuit, donc j'investis, j'innove. Elle voudrait faire un break, break, un break, break, manœuvre. Faut pas qu'elle s'enfuit, donc j'investis, j'innove. Elle me déstabilise. Et sur quoi qu'elle dise, pour elle, je prends des risques. Douce mélodie, pour elle, je mets le prix. Du Gucci Versace, bébé, si tu savais. T'emmener au ciné, j'ai vendu à la sauvette. Bébé, j'voulais les épaules pour pouvoir t'assumer. Du coup, tu vers sa tchèse, sa mère, il en faut pour les vrais. Oh, elle me dit, mon bébé, c'est du réel, pas une BD. Elle fait qu'enquêter, tout ce que j'demande, c'est du respect. Crié par elle et l'inspecteur, Olivier me casse les couilles. J'connais les fils de l'inspecteur, ils veulent du carbouzo. Vivre et mourir à mort, faire du faisan à mort. Avec le gimon à bord, que des ovnis dans la baraque. Vivre et mourir à mort, faire du faisan à mort. Je suis avec le gimon à bord, que des ovnis dans la baraque. Elle voudrait faire un break, break, un break, break, manœuvre. Faut pas qu'elle s'enfuit, donc j'investis, j'innove. Elle voudrait faire un break, break, un break, break, manœuvre. Faut pas qu'elle s'enfuit, donc j'investis, j'innove. La haine. J'allume le mousse des rosiers, non pas de meda. Pour oublier les prises de tête avec ma madame. En ce moment c'est pas ça, il m'arrive que des merdes. Elle rend fou mais je l'aime ma nana. Et quand monte-t-elle son nœud? Y'a un cœur, y'a marqué mon bébé. J'vais peut-être finir seule. Mais si ça m'arrive, j'fais TB. Avec le gimon à bord, que des ovnis dans la baraque. Vivre et mourir à mort, faire du faisan à mort. Je suis avec le gimon à bord, que des ovnis dans la baraque. Elle voudrait faire un break, break, un break, break, manœuvre. Faut pas qu'elle s'enfuit, donc j'investis, j'innove. Elle voudrait faire un break, break, un break, break, manœuvre. Faut pas qu'elle s'enfuit. Elle s'enfuit donc j'investis, j'innove. Elle voudrait faire un break, break, un break, break, manœuvre. Faut pas qu'elle s'enfuit donc j'investis, j'innove.